Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional du 18 novembre en parlant que les Castors de Dolbeau ont remporté le tournoi de Saint-Anselme dans la catégorie Midget 2B. Les Castors qui ont défait les Sénateurs de Bellechasse 2-0. En demi-finale, les Castors avaient vaincu l'Express de Rive-Sud 4-1. Également, faites à noter que du côté du tournoi Bantam de Mistassini, les Bulldogs de Saint-Félicien ont défait les Épaviers de Lac-Saint-Jean-Nord 4-3 dans la catégorie Bantam A. Et les Bulldogs qui avaient vaincu le Bleu et Or 3-2 pour accéder à la finale. Bantam B maintenant, et les Castors de Dolbeau ont défait les Bulldogs de Saint-Félicien 2-1. Les Castors qui ont vaincu les Généraux d'Alma 6-1 en demi-finale. L'Avalanche du Colorado l'a emporté par la marque de 5-4 contre les Canucks de Vancouver. Ça s'est passé samedi soir à Vancouver. Samuel Girard de Robertval a joué 19 minutes 6 secondes, n'a pas participé au pointage et a terminé le match à plus 1. Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté 2 victoires au cours du week-end. Les Saguenayens qui ont défait tout d'abord les Remparts de Québec par la marque de 6-3. Ça s'est passé hier au Centre Georges Vézina. Faites à noter dans le match que 2 buts pour William Dufault, il a amassé une passe également. Xavier Labrec, 1 but. Justin Duchamp, 1 but. Et Gabriel Villeneuve a complété le pointage. Samedi, les Saguenayens avaient défait la formation du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5-0. Faites à noter dans le match, ça se passe au Centre Georges Vézina. Dans le match, 1 but de passe pour Antoine Demers, 1 but de passe pour Louis Crevier également. Et Samuel Aude a également amassé une passe avec un but également. Justin Duchamp a complété le pointage. Les Canadiens de football, les Blue Bombers de Winnipeg ont défait les Rough Riders de la Saskatchewan 20-13 pour accéder à la Coupe Grey. Shane Gauthier de Dolbeau-Mistassini devient le premier Dolmissois à participer à cette classique. On va essayer de lui parler cette semaine pour parler de sa préparation. Du côté maintenant de la Ligue du Lac au Fleuve, 2 victoires pour les Constructions de l'Avenir. Ils ont défait Charlevoix 9-4, ça se déroulait vendredi soir. À noter, pour les Constructions de l'Avenir, Terry Vigneault a marqué 2 buts. Il y a également Steven Girard qui a marqué 2 buts. Guillaume Bérubé, 1 but aussi. Il y a Michael Drolet qui a bien fait également avec 1 but et 2 passes. Et Maxime Dufault, 2 buts, 2 passes, 3 passes pour Simon Tremblay. Et dans l'autre match, les Constructions de l'Avenir ont défait Wendake 5-1. Terry Vigneault a marqué 2 buts, Frédéric Mérette 1 but également, Michael Drolin 1 but et Maxime Lévesque a marqué 1 but et amassé une passe. Et en terminant, le Marcos Pub a subi 2 revers au cours du week-end. Le sport local et régional, adamradiosport.com, on s'en occupe.